À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les peuples progressistes du monde font l'éloge du général Kim Jong-il, qui s'est dévoué pour la patrie et le peuple durant toute sa vie. Le président de l'Association d'études de la confiance en soi du Pakistan, le secrétaire général du Rassemblement des peuples à Conseil de Guinée, le président du Comité national d'études du Kim-Sunnisme Kim Jong-lisme du Nigeria et le président général du Conseil directeur central du Parti des pionniers de l'Indonésie et son secrétaire général ont noté dans leur message de félicitations, entre autres. Le général Kim Jong-il est le grand homme peu commun qui a placé la République populaire démocratique de Corée au premier rang de la puissance politique, idéologique et militaire et ouvert une nouvelle époque d'édification d'un pays puissant socialiste. Ses exploits accomplis pour la prospérité de la République populaire démocratique de Corée, le bonheur du peuple coréen et l'émancipation du monde resteront à jamais dans le cœur de l'humanité progressiste du monde.